Le Confident par Henri Gréville. Chapitre 1er. Madame et monsieur sont au jardin, dit le valet d'écurie en prenant les guides des mains d'Hubert. On a déjeuné sur la terrasse, si monsieur veut qu'on l'annonce. C'est inutile, répondit le jeune homme, je suis attendu. Le domestique emmena le cheval et Hubert tourna le coin de l'élégant petit château. Hors de vue pour les gens de la maison, il resta sur place, un peu inquiet, encore indécis, malgré les résolutions nombreuses et diverses auxquelles il s'était tour à tour arrêté depuis le matin. Que venait-il faire? Qu'allait-il dire? Pourquoi était-il venu? Pourquoi? Il n'avait pas besoin de tant de raisons. Il était venu parce que ce jour-là même la jolie comtesse Bellois quittait son séjour d'été pour s'en aller avec son vieux mari, le général, faire une maussade saison à Bichy, pas pour elle, bien entendu. C'était le foie du général qui devenait de plus en plus inquiétant pour la tranquillité de leur intérieur. Elle s'en allait. Il se souciait fort peu du comte, estimant que, comme officier supérieur, celui-ci avait rendu assez de services à la patrie pour avoir enfin mérité une retraite définitive où son foie ne le tourmenterait plus. Mais elle s'en allait, et avec elle, la joie de ses yeux, plus que cela, une part de sa vie. Que c'est bête d'être amoureux. C'était 20 fois dit Hubert en tordant sa moustache. Bête de se laisser prendre le cœur, bête de ne pouvoir se défendre, bête de se livrer à une sentimentalité insensée. Ces choses-là n'arrivent qu'à la campagne, avec le clair de lune, les arbres en fleurs, les rivières bordées de verdure. On devrait y faire attention, ou bien ne venir au champ qu'au moment de la chasse, quand on n'a plus le temps de rêvasser stupidement. L'idée qu'un des gens de service pouvait l'apercevoir et se demander ce qu'il faisait là, planté sur ses jambes, en plein soleil de juillet, au plus chaud de la journée, décida Hubert à pousser plus loin. Au bord d'un massif de châtaigniers, il s'arrêta encore une fois pour regarder. À peu de distance, sous une charpente légère entièrement recouverte d'une glycine en fleurs, dont le feuillage épais ne laissait filtrer aucun rayon, les habitants du château étaient assis à l'ombre. Le vent agitait légèrement les branches fleuries qui retombaient de tous côtés comme des stores transparents. Mais leurs joues mouvants ne pouvaient cacher entièrement les visages à l'œil scrutateur du nouvel arrivé. « Charles est là, » se dit Hubert. « Que diable vient-il y faire ? » ?»« Parbleu, la même chose que moi. Il vient leur dire adieu. Il aurait bien pu choisir un autre moment. » Tout en maugréant contre le visiteur importun, Hubert s'avançait. Il fut bientôt près du pavillon de verdure, dont quelques marches qu'il devait descendre le séparaient seulement. On ne semblait pas l'avoir aperçu. Éprouvant une sorte de gêne, comme s'il surprenait un secret, il se préparait à tousser pour avertir de son approche lorsqu'il vit les yeux de la jeune femme se lever lentement sur ceux de Charles Serrant. Hubert remarqua alors que le général était endormi sur sa chaise longue. Ses yeux bleus. Ah, que de fois il avait rêvé de les voir se lever sur lui, avec l'expression qu'ils avaient alors en se portant sur un autre. Qu'ils étaient beaux, nobles, purs et tristes. Que de douleur contenue dans ce regard d'honnête femme vouée à son implacable devoir, et que d'amour pour celui qu'il contemplait ainsi. Hubert ressentit une grande secousse dans tout son être, et un avertissement de sa conscience le détacha du sol. D'un pas moins ferme et plus lourd que de coutume, il avança vers le pavillon, les yeux fixés sur son ami devenu soudainement son rival. Après avoir jeté un regard prudent sur le général, Charles tourna la tête vers la jeune femme et la même expression de douleur, de regret, de tendresse apparut dans ses yeux, voilée d'un brouillard pareil à des larmes. « Ah, les malheureux !» pensa Hubert. « Comme ils s'aiment et comme ils doivent souffrir !» Le bruit de son pas sur le gravier réveilla enfin tout le monde. Une rougeur subite envahit les joues, le cou et jusqu'au bras de la comtesse. Charles prit un air dégagé d'homme du monde qui s'ennuie poliment, et le général, les yeux ouverts, grogna. « Ah, c'est vous, de Rivelet ? Pas dommage, depuis le temps qu'on vous attend. Vous ne pouviez pas venir déjeuner, hein ?»« Général, » commença Hubert, « si j'avais pensé que ce ne fût pas une indiscrétion. »« Oui, mais vous avez pensé, voilà, et vous n'êtes pas venu. » Juste comme celui-là, tenez, tous pareils, les jeunes gens, ils ont peur de s'ennuyer avec un vieux grognon. Oh, général ! Protestèrent les deux jeunes gens, qui parlèrent en même temps pendant une seconde. Tout le monde se mit à rire, mais la comtesse ne regardait personne. après avoir donné la main à Hubert, elle s'était détournée de lui avec une légère expression de gêne. « Elle s'est aperçue que je les avais vus, » pensa Hubert. Il se mit à bavarder au hasard sur tous les sujets connus, essayant d'étourdir les autres et lui-même. Mais son esprit, ordinairement vif et léger, retombait péniblement à terre. Il était bruyant sans être spirituel, et le sentant plus que tout autre, il se tut soudain. Le général frappa sur un gong placé à portée de sa main, et bientôt son valet de chambre apparut. « À quelle heure le train, Marie ?» demanda le général en se soulevant avec peine sur sa chaise longue. « 8 heures à Paris, » répondit-elle sans le regarder. « Ici, 4h10. »« Allons, Serrant, venez recevoir mes instructions, » dit le général, qui se mit debout, non sans grimace, avec l'aide de son valet dont il prit le bras. « J'ai donné ici un tas d'ordres qui ne seront pas exécutés. Pour ça, j'en suis sûr, à moins que vous n'ayez l'œil et la main. Je vais avec vous, » dit la comtesse, toujours avec la même timidité. « Vous, pourquoi ? Restez donc ici. Tenez-y compagnie à Riblet pendant que je m'occupe d'affaires. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, jeune homme ? Allons, Charles. » Pendant que le malade se dirigeait péniblement vers le château, Serrant se retourna rapidement, et son ami lut dans ce coup d'œil passager la même expression de tristesse et de respect qu'il y avait vue tout à l'heure pour la première fois de sa vie. Resté seul avec la comtesse, il sentit qu'entre le moment où il avait touché le seuil de cette demeure et la minute présente, un monde s'était écoulé. Tout ce qu'il avait rêvé s'effondrait dans un abîme. La femme qu'il avait aimée, et que sans trop d'égoïsme inhumain, il avait pu espérer de voir sienne, lorsque la mort inévitablement prochaine du général lui rendrait la liberté. Cette femme était aussi loin de lui maintenant que le croissant d'argent à peine visible, esquissé par la lune dans le beau ciel d'une après-midi d'été. Elle était là, pourtant, assise en face de lui sur une chaise de jonc, tourmentant d'une main nerveuse la bélière de son éventail. Il ne savait que lui dire, pris soudain d'une grande envie de s'enfuir et d'aller se coucher dans l'herbe au plus profond du bois pour y savourer son chagrin. « Monsieur, » dit-elle tout à coup d'une voix grave qu'il ne lui connaissait pas. Il la regarda. Une expression de fermeté, presque de défi, transfigurait ce joli visage. « Monsieur, » reprit-elle, « que devez-vous penser de moi ?»« Mais madame, tout le bien possible !» répondit Hubert qui ne s'était cependant pas mépris au sens de la question. Elle secoua la tête. « Non, » dit-elle, « cela ne se peut pas. Et pourquoi donc, chère madame, me soupçonner ?» Elle se tut, tourmentant plus que jamais le gland de son éventail, puis, fixant les yeux sur lui pendant que la même implacable rougeur envahissait son visage. « Vous m'avez vu tout à l'heure lorsque j'ai regardé M. Serrant ?»« Oui, madame, » répondit-il d'un ton assuré qui lui coûtait. « Eh bien, qu'est-ce que vous avez pensé ?» Il prit son courage à deux mains, bien qu'il se sentît pâlir. « J'ai pensé, » dit-il, « que vous aviez du chagrin. » Elle soupira fortement, comme s'il se sentait allégé d'un poids très lourd. « Vous n'avez pas pensé que je puisse avoir quelque chose à me reprocher ?» dit-elle en le regardant toujours avec le même regard honnête et ferme. « Non, madame, » répondit-il en lui rendant regard pour regard. Elle hésita un instant, puis baissa les yeux, pendant qu'une expression de paix et de confiance la rendait plus semblable à elle-même. « Monsieur, je vous remercie, » fit-elle simplement. Tout son être se détendit. Il se laissa aller sur le dossier de sa chaise. Mais ce ne fut qu'un instant, et sa résolution fut bientôt arrêtée. « Puisque le hasard vous a mis au courant d'une chose que j'aurais préféré tenir secrète, je veux tout vous dire, » reprit-elle, « afin qu'il ne vous... « Je veux tout vous dire, » reprit-elle, « afin qu'il ne vous reste pas le moindre doute. »« Oh, madame !» protestait Hubert. Mais elle ne voulut point l'écouter. « Il y a quelques mois, » dit-elle, « je me suis aperçu que Charles m'aimait. Il ne me l'a pas dit. Non, monsieur, ne le croyez pas. La grande différence de fortune qu'il y a entre nous lui faisait un devoir de me cacher ses sentiments, autant au moins que ma propre situation. » Ici les larmes gagnèrent la jeune femme, du fort à faire pour les empêcher de couler. Elle sut pourtant y parvenir, mais elle tint les yeux baissés en continuant. « Ma position actuelle m'interdit de tels sentiments à moi-même. » Mais il serait inutile de feindre d'ignorer que les jours du général sont comptés. C'est très mal, je le sais, mais, monsieur, je n'y puis rien. Je vous jure que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'empêcher d'y songer. Est-on maître de ses pensées ? Dites-le-moi, monsieur. Peut-on s'empêcher de songer à une chose inévitable qui vous donnerait ? Elle ne dit pas ce que lui donnerait cette chose inévitable, mais son regard suppliant se leva sur Hubert, qui, tout navré qu'il fût, ne put retenir un sourire à cet appel enfantin. « Non, madame, dit-il, on n'est pas toujours maître de sa pensée. Je le sais par moi-même. N'est-ce pas ? Fit-elle tout illuminée de contentement. « Eh bien, je me suis dit que plus tard, quand je serai libre, je pourrai sans remords songer à me faire une existence nouvelle. La mienne n'a pas été bien gaie. J'ai été marié jeune. Le général était excellent pour moi, mais... Vous n'êtes pas ce que l'on peut appeler un couple bien assorti, » conclut Hubert avec un bon sourire, qui acheva de mettre la jeune femme à son aise. « N'est-ce pas ? Eh bien, quand j'ai remarqué que Charles m'aimait, cela m'a fait plaisir, je l'avoue. Il est sans fortune. Le général l'aime beaucoup et lui laissera quelque chose à titre de petit cousin. Mais il mérite mieux que cela, n'est-il pas vrai ? Et puis enfin, je l'aime. » « Cette raison-là suffit, » dit Hubert avec douceur. « Et si vous saviez comme il est bon, comme il est délicat, généreux ?» Elle entama de Charles Serrant un panégyrique tel que peut seul le concevoir une femme qui aime. Hubert, le cœur serré, se disait à chaque seconde. « Non, il n'est pas tel qu'elle croit le voir. Non, Charles n'est pas l'être pur, généreux et chaste qu'elle s'imagine. C'est un bon garçon à qui je ne connais ni grand vice ni grande vertu. Mais un héros, le héros de ce roman d'honnête femme, non, Charles n'est pas cela. » Elle parlait, transfigurée par la joie d'exalter l'homme qu'elle aimait, et Hubert, tout égoïsme à part, l'écoutait tristement. Quelle étrange disposition, pensait-il, ont les femmes à tailler les êtres qui ont su leur plaire sur le patron de leur imagination. Si je lui faisais le véritable portrait de son amoureux, elle m'appellerait calomniateur et me chasserait d'ici pour toute la vie. La jeune femme lut quelque chose de ses pensées sur le visage de son confident car elle s'arrêta, inquiète. « À quoi pensez-vous, monsieur ? » dit-elle en le regardant d'un air troublé. « Je pensais que vous êtes bien bonne, bien charmante, bien confiante surtout, et que vous méritez d'être heureuse. « Vraiment ? » fit-elle, confuse. « Confiante ? Pourquoi ? » ?»« Mais parce que vous venez de me livrer un secret, le plus gros secret de votre vie, assurément. » Et cela, au bout du compte, sans me connaître beaucoup. » Elle se récria avec une expansion presque enfantine. « Aussi, je vous connais bien. Il y a 18 mois que nous nous voyons très souvent, et je vous ai jugé tout de suite comme un homme de cœur. » Hubert se sentit non seulement flatté, mais touché de cette appréciation. « D'ailleurs, » reprit-elle sans lui laisser le temps de répondre, « après ce que vous aviez vu, il m'était impossible, oui impossible, de supporter la pensée d'un doute dans votre esprit. Soyez convaincue, madame. Non, non, vous aviez surpris un regard qui pouvait me faire supposer des choses qui ne sont pas, je vous le jure. » « Ne me le dites pas, » fit doucement Hubert, « n'humiliez pas votre confident en le croyant capable d'une mauvaise pensée. » Ils souriaient tous deux, et tous deux avaient les yeux humides. Tout à coup, la jeune femme tendit la main à son nouvel ami, qui la serra franchement. Ils s'étaient levés et restaient debout vis-à-vis l'un de l'autre. « Qui m'eût dit, il y a une heure, fit Marie, que mon cher secret ne serait plus à moi seul, et que je me sentirais si contente de l'avoir révélé. Vous ne le regrettez pas alors ? Non, au contraire. Il me semble qu'en confiant à un tiers le rêve de ma vie, je l'ai purifié et mis sous une sauvegarde. » Elle rougit tout entière en prononçant ces derniers mots et détourna la tête. « Je comprends, » pensa Hubert. « Brave petite femme, s'il lui arrivait de succomber maintenant, elle se croirait tenue de m'en avertir. » Il avait envie de rire, mais d'un rire attendri, plein de pitié, qui se fut terminé par une caresse, comme font les mères quand leurs enfants ont dit quelque formidable naïveté. La jeune femme mit sur le drap de sa manche le bout d'un doigt délicat. « Je ne pourrai pas vivre sous un soupçon, monsieur, » dit-elle à voix basse. « Mais je pourrais encore moins vivre avec une honte. »« Je vous comprends, » répondit-il, sans la regarder. « Il y a des femmes, comme l'Hermine. » »« Elles sont rares, malheureusement, mais vous en êtes une. » Elle retira son doigt, poussa un soupir et prit le chemin du château. Une heure après, Hubert quitta ses hôtes, leur laissant Charles Serrant, qui devait les conduire à Paris et les mettre dans le train. En retournant à sa gentilhommière, située à peu de distance, Le jeune homme songeait à son ami plus qu'à toute autre chose. La confidence de la comtesse Marie, en mettant à néant ses vagues aspirations, l'avait plus troublé relativement à elle qu'à lui-même. Charles n'est pas un homme à filer longtemps le parfait amour, se disait Hubert, pour que, depuis 6 mois, il n'ait pas essayé de pénétrer plus loin dans les bonnes grâces de cette aimable femme. Il faut quelque chose de plus puissant que son amour se soit mis à la traverse. Tel que je le connais, mon ami Serrant n'est pas fait pour les grandes passions silencieuses. Douter de la mignonne comtesse, absurde. Croire à ce rêve idéal dans la tête de cet excellent garçon, impossible. Alors quoi? Tout à coup, Hubert s'adressa à une épithète peu flatteuse. On n'est jamais content de se trouver sot, et cette fois, notre ami ne put s'empêcher de constater qu'il avait manqué de perspicacité. Faut-il que je sois bête? Eh, mais elle sera très riche, cette pauvre enfant. Son mari lui assurait presque toute sa fortune par contrat de mariage. Charles veut réparer cette erreur d'un parent prévenu. C'est élémentaire. D'autre part, s'il se faisait trop aimer maintenant, une brouille pourrait survenir avant le moment de la réalisation et mon Charles verrait fuir sa fortune. C'est cela, parbleu. Hubert cingla d'un coup de cravache sa jolie petite jument baie qui s'enleva des 4 pieds. « C'est vous qui avez raison, fée, lui dit-il en la calmant, et je ne suis qu'un imbécile. Seulement, mon ami Serrant me paraît jouer un vilain rôle en cette affaire. » Pourtant, ses yeux étaient ceux d'un homme épris. « La vie est décidément un galimatia double. »